Troisième acte, le baiser de Roxane. Une petite place dans l'ancien marais. Vieille maison, perspective de ruelle, à droite, la maison de Roxane et le mur de son jardin. Un banc devant le seuil. Par le banc et les pierres en saillie du mur, on peut facilement grimper au balcon. Au lever du rideau, la scène est grande ouverte sur le balcon de Roxane. Roxane parvient, avec beaucoup d'adresse, à repousser les avants du comte de Guiche, dont le régiment doit partir à la guerre. Elle obtient de Guiche que les cadets de Gascogne, dont Christian, restent à Paris. Puis Roxane se rend dans une maison voisine pour une soirée de poésie précieuse autour de la carte du Tendre. Cyrano retrouve alors Christian sous le balcon de Roxane. Christian est ravi d'être monté rapidement dans l'estime de Roxane grâce aux lettres que Cyrano lui a écrites. Mais, voulant ne plus rien devoir qu'à lui-même, Christian s'adresse directement à Roxane qui, revenue de sa soirée de précieuse, vient s'asseoir sur le banc devant la maison.